que chaque soir on va rentrer tous les copains pour crier, danser, chahuter, taper des pics, claquer des mains. Yeah, yeah, yeah, yeah. Et quand ils entendent de la musique qui commence, ils ne se font jamais prier pour entrer dans la danse. Oh yeah, yeah, yeah, yeah. Mais comment vous dire, mais comment vous expliquer? Allez au Palladium et vous